recette. Le regard vide et l'air livide, je m'évade au creux d'un songe, mais je reste lucide. Le temps passe, la grande aiguille avance et tout s'efface, plus une trace. Demi-sommeil liquide, je suis lasse. Je suis lasse. Au clair d'un soleil noir, la nuit et le jour se marient, mon esprit s'égare. Le rêve engloutit mon ennui, je m'évade. Bercé par l'illusion d'une autre vie, j'ai envie d'adrénaline en elle. It's like a brainstorming, a wildstorm in my being as time passes. Maussade, le regard vide et l'air livide, je m'évade au creux d'un songe, mais je reste lucide. Le temps passe, la grande aiguille avance et tout s'efface, plus une trace. Demi-sommeil liquide, je suis là. Sommeil.